Radiomatic. La transmission 333 d'Audiomatic s'ouvrait sur la musique du projet Atomine Electrine mené par l'artiste suédois Peter Andersson. L'artiste est connu en grande partie pour son autre projet nommé Raison d'être. De Atomine Electrine, la pièce que nous avons entendue se nomme The Dream et apparaît sur l'album double Binomial Fusion, qui regroupe les albums Elemental Severance et Atom Extension parus respectivement en 1995 et en 1999. C'est avec le trio new-yorkais Medeski, Martin and Wood que nous vous convions à poursuivre l'écoute de cette transmission d'Audiomatic. Thank you. À Audiomatique, nous entendions la formation Pigeonhead, originaire de la ville de Seattle et formée du producteur Steve Fisk, ex-membre de Pall Mall, et du chanteur Sean Smith, qui a aussi fait partie des groupes Satchel, Brad et The Twilight Singers. De l'album Flash Bulb Emergency Overflow Cavalcade of Remixes, paru en 1997 et qui regroupe des versions remixées de chansons apparaissant sur le deuxième album de Pigeonhead, The Full Sentence, nous vous avons présenté la pièce The Full Sentence, Fisk Goodmanson Seismic Consumer Remix. Et pour débuter ce segment musical, il s'agissait du trio Medeski, Martin and Wood et leur composition Ice, extraite de leur album End of the World Party, Just in Case, lancé en 2004. Sans attendre, Audiomatique se poursuit sur la musique de Youssef Lateef. Thank you. Arrête de me. À Audiomatic, cette séquence musicale se terminait sur la musique du groupe chilien Anarquia Tropical et sa pièce El Silbido del Tunche, sur laquelle contribue également le groupe Los Chapiacs. Cette composition collaborative apparaît sur l'album d'Anarquia Tropical intitulé La Venganza de los Brujos. Avant cela, nous entendions la formation Cannes et sa pièce Comesta la Luna se retrouvant sur l'album Soon Over Babaluma paru en 1974. Et la séquence débutait sur la musique de Youssef Latif avec The Plum Blossom, une composition apparaissant sur l'album Eastern Sounds paru en 1961. La suite d'Audiomatic est assurée maintenant par LCD Sound System. we don't get enough hurts at once, oh, that'd be really, really petty. When my baby comes, thank God we don't get enough holes at the one time I listen to me tucking in my hospital gown. When my baby comes, best thing about this place of the showers, the worst thing is the visiting hours. Hey, careful of the cop. When my baby comes, they had pistols and they had guns. They threw me on the ground and they emptied into me. I was only 15. When my baby comes, just how long you gonna be my baby? Just how long you gonna be my baby? Till it comes, just how long you gonna be my baby? Just how long you gonna be my baby? Till it comes. She got hands as white as milk, and she weaves a loop of spider silk that glisten. When my baby comes, there's an ancient question behind her eyes that I can't even begin to describe. Hey, hey, listen, don't do that on the carpet. My baby comes. Does anyone out there waste their lives on booze and drugs and husbands and wives and are making money? When my baby comes. Well, they had pistols and they had guns, my skirt above my head. Well, I was so much older when I crawled out from under their mushroom cloud. Just how long you gonna be my baby? Just how long you gonna be my baby? Till you come. Just how long you gonna be my baby? Just how long you gonna be my baby? Till you come, just how long you gonna be my À Audiomatic, nous venons tout juste d'entendre le quatuor Grinder Man, qui est en fait le projet parallèle de quatre membres de Nick Cave and the Bad Seeds, dont bien entendu Nick Cave. Du deuxième album de Grinder Man paru en 2010 et simplement intitulé Grinder Man 2, nous vous avons offert la chanson « When My Baby Comes ». Et pour amorcer cette séquence de deux pièces, LCD Sound System nous interprétait la pièce « Get Innocuous » qui ouvre son deuxième album « Sound of Silver » sorti en 2007. C'est la formation italienne Tomografia Acial Computerizzata, souvent baptisée par l'abréviation TAC, qui emportera d'une dernière mélodie la transmission 333 d'Audiomatic. C'est donc sous l'envoûtement de la pièce Dusk, tirée de l'album Waiting for the Twilight, que les sonoristes ont choisi d'éteindre leur phare sonore jusqu'à la semaine prochaine. Sachez qu'il vous est toujours possible de consulter nos plateformes comme facebook.com/audiomatic-cfou et également mixcloud.com/audiomatic pour écouter les transmissions d'Audiomatic au moment de votre choix. Il va de soi que l'écoute en direct sur les ondes de CFOU 89.1 FM les mercredis dès 17h avec les sonoristes n'a pas son égal. Voici pour terminer la formation TAC, TAC et sa pièce Dusk. C'était Audiomatic avec les sonoristes. Thank you.